craignez de rompre les liens parentaux. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il vous corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Ceci étant dit, ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Par le soleil et sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, puis lui a inspiré sa perversité de même que sa piété, celui qui l'aura purifié aura certainement réussi, mais quant à celui qui la corrompra, il aura assurément perdu. Il est clairement stipulé, à travers ces jurements invoqués dans ces versets, une affaire très sérieuse. Parmi ces paroles générales, qui englobent de nombreuses choses importantes, que celui qui purifie son âme aura certainement réussi dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé de cela après avoir juré par ces choses grandioses de ses créatures, comme le soleil, la lune, le jour, la nuit, le ciel et la terre, ainsi que leurs différents états apparents et cachés. Et la purification de l'âme ne se fait qu'à travers l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Sinon, celle-ci commande le mal, l'injustice, l'iniquité, l'arrogance et la jalousie, ainsi que tout le mal présent au bas monde, comme Allah Azza wa Jalla a informé cela dans son livre saint au sujet de son prophète Yusuf alayhi salam, qui a dit: Wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, excepté celle que mon Seigneur aura préservée par miséricorde. Certes, mon Seigneur est pardonneur et très miséricordieux. Donc l'âme commande le mal, comme Allah Azza wa Jal nous l'a exposé. Elle pousse vers l'accomplissement et tout ce qui est mauvais. Elle commande la méchanceté et la malice. Elle ordonne l'orgueil et l'arrogance, ainsi que la jalousie. Et elle commande aussi la futilité. Et nul ne sera préservé et sauvé de son mal, ainsi que du châtiment d'Allah, hormis celui qui l'aura maîtrisé et tenu par les rênes et défendu de son propre mal, comme Allah Azza wa Jal nous a dit: Wa amma man khafa maqama ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme de suivre ses passions, le paradis sera alors son refuge. Ne vois-tu pas que celui qui maîtrise son âme l'humilie et l'avilie et la préserve de son injustice, de son arrogance et de ses passions sera parmi les gens du paradis, comme cela est indiqué dans le Coran? Car l'âme fait précipiter l'être humain dans les interdits et les désobéissances, elle le jette dans le mal, et elle le jette également dans tout ce qui n'est pas en son intérêt, et dans tout ce qui ne mène pas à sa réussite, ni vers sa purification et son bonheur, dans la vie de ce bas monde, ainsi que dans la vie ultime. Donc ô toi l'homme, sois comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'être, tu seras alors maître de ton âme. Et le prophète Yusuf alayhi salam, lorsqu'Allah le purifia ainsi que son âme, il le préserva quand la femme d'Al-Aziz se donna à lui dans l'intimité et à l'abri des regards. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Puis elle essaya de le séduire, elle qui l'avait reçu dans sa maison, et elle ferma les portes et dit: Viens, je suis à toi. Il dit alors: Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Ainsi, après qu'Allah avait purifié son âme, Yusuf alayhi salam s'écarta de cette tentation et s'éloigna de cet acte pervers. Il dit ainsi: Ma'ad Allah, qu'Allah me protège. C'est-à-dire qu'il était pour lui impossible qu'il tombe dans cette vilaine et grande turpitude. Cette âme désire et souhaite que tu sois exposé aux choses désagréables, alors qu'elle-même déteste être confrontée à toutes ces choses désagréables, quand bien même il s'agirait de bonnes actions qui rapprocheraient d'Allah. Ainsi, tu constates que l'accomplissement d'œuvres pieuses gêne les âmes et leur pose problème, au point que les gens doivent les combattre pour les accomplir, jusqu'à ce qu'ils prennent le dessus sur elles par le biais de l'obéissance à leur Seigneur, que cela se passe à travers la prière, le jeûne, le pèlerinage, le don d'aumône ou par toute autre adoration. Ainsi, cela demande de toi de fournir des efforts considérables, car tu constates que tu as un ennemi sans cesse à tes côtés, plus tenace que n'importe quel autre ennemi, rebelle et révolté. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté dans le recueil du récit Al-Musnad de l'imam Ahmed, d'après le récit de Fadail ibn Ubayd radiallahu anhu, il n'y a personne qui meurt sans que ses actions ne cessent, exception faite pour le murabit, le combattant dans les sentiers d'Allah qui campe en faisant la garde, car son nombre de bonnes actions ne cesse d'augmenter grâce à cette œuvre, et il sera préservé de plus de la terrible épreuve du questionnement dans sa tombe par les deux anges qui interrogent chaque mort une fois enterré au sujet de trois choses: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète. Et le véritable combattant est celui qui endure dans l'éducation de sa propre âme. Beaucoup de gens parmi nous font preuve d'inattention concernant le combat de sa propre âme ainsi que son éducation à travers les rites religieux islamiques suivant le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique, que cela soit avec les proches ou les gens éloignés, les parents ou les enfants, les personnes âgées ou les plus jeunes, car ceci est une affaire très importante, à savoir le fait de donner de l'attention à son âme et d'en prendre soin et de la diriger vers le bien jusqu'à ce que tu réussisses dans ta vie. Notre Seigneur Azza wa Jalla a dit: Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa faru al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Et tout ce qui a été rapporté dans le Coran et la Sunna qui engendre le succès et la réussite de l'âme dans sa vie mondaine et future, eh bien l'âme déteste en bloc tout ceci. Comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effet, Muslim a rapporté dans son recueil du récit authentique, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous indiquerai-je pas une chose par laquelle Allah efface les erreurs et élève en degré? Les compagnons dirent: bien sûr que si, au messager d'Allah. Il dit alors: la perfection dans l'accomplissement des ablutions, le lavage rituel spécifique à la prière, lorsque vous éprouvez de la gêne. Ainsi, parmi les choses que l'âme déteste et ne supporte pas, il y a le fait de fournir des efforts dans le perfectionnement des ablutions lors de grandes fatigues, de difficultés ou lorsqu'il fait froid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit: la perfection dans l'accomplissement des ablutions lorsque vous éprouvez de la gêne, et la longue marche en direction de la mosquée, et le fait d'attendre dans la mosquée la prochaine prière après y avoir prié celle qui l'a précédée, voilà le véritable ribat, voilà le véritable ribat, c'est-à-dire l'accrochement à l'accomplissement de bonnes œuvres. Et le ribat est le fait d'endurer son âme à l'attachement à la vérité, ainsi qu'à la continuité et la régularité dans l'accomplissement d'œuvres pieuses, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est clairement exposé dans ce récit que l'âme est rebelle, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ceci, elle incite au mal et se révolte face à l'obéissance d'Allah. Et Muslim a certes rapporté dans son recueil de récits authentiques, d'après Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, qui a dit: je connais un homme, personne n'habite plus loin que lui de la mosquée, et malgré cela il ne rate pas une seule prière. Il lui fut ainsi dit: pourquoi n'achèterais-tu pas un âne que tu utiliserais lors de tes déplacements la nuit ou lors de fortes chaleurs? Il répondit: cela ne m'intéresse pas que ma maison soit proche de la mosquée, car j'aime qu'il me soit comptabilisé mes pas lorsque je vais à la mosquée et lorsque je retourne auprès de ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Allah t'a certainement déjà comptabilisé tout ceci. Notre preuve dans ce récit est que cet homme a éduqué son âme dans la patience, et que comme Allah subhanahu wa ta'ala a commandé les gens de l'adorer, il le récompensera certainement pleinement pour lui avoir obéi. Incite donc ton âme et éduque-la à l'endurance, toi le muslim, dans l'obéissance d'Allah, comme il te l'a ordonné à travers sa parole. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Incite donc ton âme et éduque-la à la patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en recherchant l'artifice de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions, et dont le comportement est outrancier. Éduque donc ton âme et fais-la patiente et dans l'obéissance d'Allah. Que cela se fasse, comme il se dit, dans ta tête ou les membres de ton corps, car l'âme est celle qui a besoin d'être éduquée à la patience. Et parmi les choses qui aident et permettent à l'âme de patienter, il y a le fait de fréquenter des gens pieux et de les prendre comme compagnons, car le compagnon est une aide et un soutien dans l'accomplissement du bien tout comme du mal. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire à l'homme d'avoir une compagnie, et il faut que cette compagnie soit pieuse et sincère, conforme à la sunna, ainsi qu'à la guider, non pas en désaccord avec celle-ci, et fondée sur les passions. Avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et prends garde d'exposer et d'engrainer ton âme à s'enorgueillir et être arrogante. Fais attention à toi de la pousser à l'injustice et l'iniquité, de même que l'éloignement de tes frères croyants pieux. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit: wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawaa wa kana amruhu furda. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en recherchant l'artifice de la vie sur terre, et n'obéis pas à ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Prends garde de te passer d'eux ou de négliger leur compagnie, car tu feras à leur partie des dépités, ceux qui regretteront leur acte profondément le jour de la résurrection. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit: wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui en ayant été injuste sur terre. Allah n'a pas dit celui qui se présentera devant lui en ayant commis beaucoup d'injustices, mais il a plutôt dit wa qad khaba man hamala dhulma, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui en ayant été injuste sur terre, quand bien même il n'aura fait du tort qu'à son épouse ou à son enfant ou à l'un de ses proches ou à quiconque était sous son autorité. Il fera bel et bien partie des appointés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour: savez-vous qui est le ruiné? Les compagnons dirent: le ruiné chez nous est celui qui n'a ni dirham ni bien mondain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: le ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, des jours de jeûne et des aumônes, mais qui aura frappé celui-ci et insulté celui-là, et qui aura volé celui-ci et fait couler le sang de celui-là. Alors celui-ci prendra de ses bonnes actions et celui-là prendra de ses bonnes actions, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne lui restera plus de bonnes actions. On prendra alors de leurs péchés pour les jeter sur le compte de cette personne. Et les pronoms celui-ci et celui-là sont ici indéfinis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit telle ou telle personne en les désignant. Donc toutes ces choses évoquées feront diminuer le nombre des bonnes actions le jour du jugement dernier, et celui qui sera concerné par cela fera ainsi partie des dépités et regrettera très fortement ses actes, exception faite pour celui qu'Allah aura fait don de sa grâce. Donc fais attention, ô toi le muslim, que ton âme t'emporte vers des sentiers autres que celui de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'être humain est à la base un tyran, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à son sujet dans son noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Kalla innal insana la yatra an ra'ahu istaghna. Vraiment, l'homme devient tyrannique dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même par sa richesse. Donc l'homme dès qu'il estime se suffire à lui-même, qu'il peut se passer d'autrui et qu'il n'a besoin de personne, il se peut qu'à cet instant, son âme le pousse à être tyrannique et il tombe alors dans les choses à éviter, comme tu l'as sûrement déjà entendu dans le Coran et la Sunna. Ô toi, serviteur d'Allah, par Allah, cette âme qui est à tes côtés nécessite de ta part une surveillance intense et aussi de l'attention afin de te préserver contre son mal, de beaucoup d'attention, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se levait la nuit pour prier jusqu'à ce que ses pieds se fissuraient. Car il y a en cela un rabaissement et une humiliation pour l'âme, un abaissement dans l'adoration d'Allah ainsi qu'une éducation. Et cela est aussi, d'un autre côté, un honneur pour elle en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle le voyait prier beaucoup le soir, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà effacé tous tes péchés antérieurs et futurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, pourquoi ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant? Et il y avait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam Omar radiallahu anhu, ce vaillant, et aussi les Ansar, les habitants de Médine qui accueillaient les émigrés provenant de la Mecque, et les Muhajiroun, les Mécois qui immigrèrent vers Médine pour défendre le prophète et la cause d'Allah, et bien d'autres encore parmi ceux qui auraient certainement répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam si celui-ci les avait appelés. Malgré cela, il y avait des gens parmi les bédouins au cœur dur qui polémiquaient avec le prophète sur différents sujets, ou bien qui le questionnaient en lui disant par exemple, est-ce Allah qui t'a commandé cela? Et lui de répondre, oui par mon Seigneur. Et du même genre, lorsqu'un bédouin au cœur aussi dur que l'autre attrapa le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, donne-moi de l'argent parmi celui qu'Allah t'a confié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna ainsi qu'on lui en donne malgré le mauvais comportement qu'il a vu envers lui. Et lorsque l'ange d'Ibril et l'ange des montagnes étaient descendus auprès de lui le jour d'Al-Aqaba, quand il fut chassé par des gens qu'il avait appelés à l'islam, et que l'ange des montagnes l'interpella ensuite et lui dit, ô Mohammed, commande-moi ce que tu veux, et si tu le souhaites, je plierai ces deux montagnes sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préféra plutôt leur pardonner et ne chercha pas à se venger du tort qu'il lui avait fait. Il a ainsi dit, j'espère plutôt qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui l'adoreront seuls sans rien lui associer. Voilà donc la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa façon de faire en ce qui concerne l'éducation de l'âme, et cela était aussi son habitude tout au long de sa vie. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et l'heureuse fin est réservée à ceux qui le craignent, et l'animosité n'est réservée qu'aux gens injustes, et que toutes les louanges soient à Allah, abondantes, bonnes et bénies, ceci étant dit. Il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit d'Ibn Umar radiallahu anhuma, et aussi dans celui de An-Na'man ibn Bashir et Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, trois personnes qui vécurent avant nous ont eu envie un jour de passer la nuit dans une grotte. Ils y entrèrent ainsi, puis un rocher s'effondra et ferma l'entrée de la grotte. L'un d'eux dit alors, Allah ne nous secourra qu'à condition de l'invoquer par l'intermédiaire de notre plus sincère action pieuse. Ainsi, chacun d'entre eux évoqua Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de l'œuvre qu'il avouait le plus sincèrement au Seigneur des mondes, Azza wa Jalla. Celui qui a dit, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors sachez que je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient peut-être guidés. Et il a aussi dit, subhanahu wa ta'ala, amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui dissipe le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Rares sont ceux qui s'en rappellent. qui donc était capable de délivrer ces trois personnes qui s'étaient retrouvées coincées dans l'obscurité de la grotte et du rocher qui avait obstrué son entrée jusqu'à ne plus voir la lumière du jour et ne plus sentir la brise du vent. Mais lorsque le Seigneur des mondes sut qu'ils avaient recherché refuge auprès de lui et qu'ils s'étaient humiliés face à lui, il leur fit miséricorde, leur porta secours et les délivra de leur détresse. L'un d'eux dit alors, « Ô Seigneur, j'avais des parents qui étaient âgés et je ne laissais personne boire le lait avant eux après le repas du soir. Mais un jour, alors que j'étais sorti chercher du bois dans un endroit éloigné, j'ai tardé à rentrer à la maison. Et lorsque je suis rentré, je les ai retrouvés tous les deux endormis. J'ai ainsi détesté les réveiller et aussi que quelqu'un d'autre de la famille boive avant eux. Je suis alors resté à leur chevet, le verre de lait dans ma main, à attendre qu'ils se réveillent jusqu'au lever du jour, alors que mes enfants pleuraient de soif à mes pieds. Quel effort a ainsi fourni cet homme afin de faire patienter son âme et veiller jusqu'à l'aube sans abreuver de ce verre sa famille ni même en boire personnellement. Toute cette patience en obéissance envers les parents jusqu'au lever du jour. Puis il leur donna le verre de lait et ils le burent. Ensuite celui-ci invoqua le Seigneur des mondes par l'intermédiaire de cette preuve de patience. Il dit ainsi, ô Seigneur, si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous de cette situation, c'est-à-dire le fait d'être bloqué dans la grotte. Le rocher s'écarta un peu, mais c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu qu'il ne s'écarte complètement qu'après que le dernier d'entre eux l'aurait imploré. Le deuxième dit à son tour, ô Seigneur, j'avais une cousine que j'aimais plus que tout le monde. Et ceci est un des plus difficiles combats contre sa propre âme, c'est-à-dire la retenue d'un homme d'avoir des sentiments pour une femme et qui demande le plus d'efforts et de remise en question à ce sujet. Il l'invita alors à forniquer avec lui, moyennant une certaine somme d'argent, ce qu'elle accepta. Mais lors du passage à l'acte, elle lui rappela de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il se retira alors et la laissa partir avec l'argent sans avoir commis l'acte avec elle, alors qu'il l'aimait plus que tout le monde. Il invoqua ainsi son Seigneur par l'intermédiaire de cet acte qu'il avait accompli sincèrement pour sa face. Il dit ainsi, ô Seigneur, si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous de cette situation. Le rocher s'écarta un peu plus, mais cela ne leur permettait toujours pas de sortir de la grotte. Puis le troisième dit, ô Seigneur, j'avais par le passé employé des gens pour un travail, puis je les ai tous rémunérés, excepté l'un d'entre eux, qui est parti sans prendre son salaire. J'ai ensuite fait fructifier cet argent, qu'il avait délaissé, jusqu'à ce qu'il augmenta grandement. Puis l'homme revint un jour me voir après une longue période, et me dit, ô Abdallah, donne-moi mon salaire. Je lui ai ainsi dit, tout ce que tu vois là est à toi, les chameaux, les vaches, les moutons ainsi que les volailles. Il me rétorqua alors, ô Abdallah, ne te moque pas de moi. Je lui ai ainsi dit, je ne me moque pas de toi. L'homme prit ainsi ses biens et s'en alla. Qui pourrait donc, parmi la masse des gens, combattre son âme dans la défense de la vérité? Que dire alors de donner une grande somme d'argent pour laquelle il se serait fatigué dans son acquisition en fournissant des efforts considérables? Et ceci fait partie des grands combats et des grandes batailles contre l'âme, ainsi que de la crainte d'Allah, le Seigneur des mondes, Azza wa Jalla. Il a dit subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wa abtaghu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi » لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Oh, vous les croyants, craignez Allah et recherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause, peut-être réussirez-vous. Donc tu ne réussiras pas dans cette vie et nous tous ne réussirons pas jusqu'à ce que nous combattions nos âmes dans son éducation et que nous les redressions de leur tordeur dans le comportement, les paroles ainsi que les faits et gestes, et aussi jusqu'à ce que nous les corrigions de leur tordeur concernant le suivi de la vérité ainsi que la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Aura certainement réussi celui qui se sera purifié et invoqué le nom de son Seigneur, puis aura accompli la prière. Celui qui purifie son âme et qui récoltera le succès dans l'au-delà est celui qui la purifie à l'aide de l'accomplissement de la prière et par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se remet en question sincèrement au sujet de son âme, recherchant par cela le moyen d'obtenir l'agrément d'Allah azza wa jalla. Et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Les croyants certes réussis, et ceci fait partie des caractéristiques de ceux qui se remettent en question au sujet de leur âme dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a certes réussi celui qui s'est soumis et à qui il a été donné sa subsistance suffisamment, puis qui s'est contenté de ce qu'Allah lui a attribué. Il a aussi rapporté d'après son Seigneur qui a dit « Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui hâtivement. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également rapporté d'après son Seigneur qui a dit « Celui qui aura pris pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par l'accomplissement d'œuvres sans que cela soit plus aimé chez moi que ce que je lui ai commandé d'accomplir et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi à travers des actions surrogatoires jusqu'à ce que je finisse par l'aimer et si je l'aime, je serai alors son avec laquelle il entend, et ses mains avec lesquelles il saisit, et ses jambes avec lesquelles il marche, et s'il me demande une chose, je lui accorderai certainement, et s'il me demande de l'aide, je le secourrai assurément. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit, le paradis a été voilé par des choses désagréables, et l'enfer a été voilé par les désirs passionnels. Et Ahmed a rapporté en son mousned, d'après le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhum, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah créa le paradis, il dit à Jibril, va et regarde ce que j'ai créé, va et regarde ce que j'ai créé. Jibril alla voir, puis revint et dit, ô Seigneur, personne n'entendra parler du paradis sans qu'il ne voudra y rentrer. Allah masqua ensuite le paradis et l'encercla à l'aide de choses détestables. Il dit ensuite à Jibril, va et regarde le paradis, va et regarde le paradis. Jibril alla voir, puis revint et dit, ô Seigneur, je crains que personne n'y entrera. Alors toi, ô l'être humain, ne crois pas que tu entreras au paradis sans accomplir la moindre action, ni ressentir de fatigue, ou sans qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te teste et t'éprouve. Allah azza wa jalla a dit, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Mais quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de ses bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Voilà donc l'état de l'homme, sauf pour celui qu'Allah aura fait miséricorde. Il croit ainsi que tous ses bienfaits proviennent de sa propre personne et de son propre labeur, et qu'il a pourvu lui-même à ses besoins, alors que toutes les subsistances proviennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit azza wa jalla, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idha massakum ad-dharru fa ilayhi taj'alun. Et tous les bienfaits dont vous jouissez proviennent d'Allah, puis lorsque le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم. Par contre, lorsqu'Allah éprouve l'être humain en amoindrissant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili, mais non, c'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. Il a ainsi échoué dans les deux situations, que cela soit dans les honneurs qui lui ont été faits ou dans l'avilissement dont il a été sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rejeté dans les deux cas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Dit, l'affaire tout entière est à Allah. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dit, ô Seigneur, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité de qui tu veux, et tu honores qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main, tu es certes omnipotent. Walhamdulillahi rabbil alamin.